étoile était venue se sort faire un concert pour te passer du bord jusqu'à tomber à terre. Ça passe dans ton public, ça y est, c'est la fête. Rien à foutre de la technique ce soir, il faut que ça pète. T'auras des bourgeois à tourner au comptoir. Les billets nous regardent, le courant ne passe pas. Le tollé a l'air gêné, nous dit un petit doigt. Désolé, faut arrêter, votre musique ne plaît pas. Toujours les coups de genoux et tout j'ai mis à terre. Ils sont adoptés, je suis et fini à tout faire. Toujours les coups de genoux, ta tête éclate à terre. Toi les terres en ton espèce, c'est comme ça qu'on les dresse. Je te passe, il n'a pas tant bougé. Tu fracasses avec ta basse, t'es complètement torché. Petit de molard, ça passe sur les courges. On va retourner ce bar, il faut que la note bouge. Toujours les coups de genoux et tout j'ai mis à terre. Ils ont adopté, je vois que tu es fini à tout faire. Toujours les coups de genoux, ta tête éclate à terre. Tu dois les faire retourner, c'est passé comme ça qu'on les dresse. Toujours les coups de genoux. On saute dans l'arène. Les faut paniquer, c'est loche et baiser leur chaîne. Ils chantent dans la tête, un coup.